Bienvenue chez nous, bienvenue chez Dr Disco and Mr Funk. C'est samedi, c'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure du disco. Alors aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Alors ça tombe bien, on va commencer par la découverte du jour. J'ai sélectionné pour vous Let's Get Serious de Jermaine Jackson. Sorti en 1980, c'est Stevie Wonder lui-même qui va composer le morceau de A à Z. Il fait tout. Jermaine s'en sort très bien dans son interprétation et ça le donne un des plus grands succès soul de l'année. Il se payera même le luxe de détrôner son frère et Rock With You. Il récidivera quelques années plus tard avec Piazzadora et son célèbre duo When the Rain Begins to Fall pour enflammer de nouveau les pistes de danse. Allez, c'est parti, c'est maintenant. J'espère que ça vous a plu, que vous en voulez encore, il n'y a pas de souci, vous allez en avoir. Alors aujourd'hui, la double dose, ça va être consacré à Gloria Fowles, plus connue sous le nom de Gloria Gaynor. Elle est née en 1949 à Newmark, aux États-Unis. C'est avec son second single, Never Can Say Goodbye, en 1974, qu'elle va conquérir les hits. Le tube sera repris en 89 par les Communards, pour les plus anciens d'entre nous. En 1978, c'est la consécration avec I Will Survive qui lui vaut une renommée dans le monde entier et un Grammy Award. Ce titre sera repris ensuite par un très grand nombre d'artistes et l'année suivante, elle enregistre Love is Just a Heartbreak Away pour un film de vampire Nocturna. Après une tournée mondiale, elle sort I Am What I Am en 1983. entre 85 et 90, elle va passer beaucoup de temps en Europe, et notamment en Italie, où elle va réaliser pas moins de 6 albums. Elle connaît encore un succès en 93 en sortant le tube First Be A Woman. Après une légère éclipse, sa carrière et ses ventes de disques vont reprendre de plus belle en 98 à l'occasion de la Coupe du Monde de football, où I Will Survive devient l'hymne chanté dans tous les stades. Alors, on va écouter I Am What I Am et First Be A Woman. C'est maintenant. I am what I am my own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. Et Mr. Funk sur Fat Jam. Fat Jet, d'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. Eh ben, ça swingue bien en ce moment, hein. Bon, on va passer directement au maxi du jour. Alors, depuis le début de cette émission, sur Fat Jet, je dois vous faire découvrir et redécouvrir plein de titres. Alors, je vais vous poser une question, qui ne connaît pas Chalamar ? Je pense qu'il n'y a pas grand monde, c'est un des groupes phares du disco et du funk. Alors, pour la première diffusion dans mon émission, je pense ne pas me tromper et je vais prendre Cash A Night To Remember, tube ultra connu de chez eux. Ah, une petite voix me dit quand même qu'on n'en a pas fini avec eux et qu'on va bientôt les retrouver dans un prochain rendez-vous. Donc c'est parti pour Chalamar, A Night To Remember. French Touch en ce début mars, j'ai décidé de la consacrer à un artiste qui nous a quittés voilà plus de 40 ans. Rien qu'en disant ça, je pense que vous avez trouvé de qui je voulais parler. C'est notre coco national, bien sûr. Dans le disco, on peut dire qu'il a visé juste, car son Alexandrie Alexandra fait partie des morceaux les plus diffusés en boîte de nuit et lors des soirées entre amis, bien sûr, et surtout des mariages. Le morceau, il est sorti le jour de ses funérailles et il s'est vendu à 800 000 exemplaires. Je me devais de lui rendre hommage. Je suis sûr qu'il va vous rappeler des souvenirs et vous trotter dans la tête. Allez, c'est parti, direction Alexandrie. D'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. La pépite, c'est le moment que vous attendez tous, je présume. Alors aujourd'hui, j'ai sélectionné un artiste qui, depuis ses débuts, a changé de nom. Eh oui, ça arrive. Il est passé de Terence Trent D'Arby à Sananda Maitreya. C'est pas facile à dire. Il a pris cette décision en 2001. Il faut y voir, selon lui, une renaissance et un nouveau chapitre de sa vie, aussi bien personnel qu'artistique. Wishing Well est le morceau qu'il aura fait connaître en 1987. Le chanteur explique qu'il a créé cette chanson lorsqu'il était dans un état entre sommeil et éveil, ce qui lui a permis de bien mesurer le poids des mots, rien que ça. Il en vendra plus de 500 000 exemplaires et sera disque d'or. Depuis l'an 2000, il poursuit sa carrière en publiant régulièrement des albums, mais qui n'atteindront jamais le succès du premier. Allez, c'est maintenant. J'étais ravi de passer ce moment avec vous sur FastJet. Alors je vous dis à bientôt, bon samedi, à samedi prochain, portez-vous bien et restez funky.